Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La parole est à vous. Alors, avec deux invités aujourd'hui, alors ça s'appelle La ferme aux pétales rouges. Alors, je vous laisse vous présenter. Oui, je suis Anita. C'est moi et surtout ma fille qui sont sur cette ferme aux pétales rouges. C'est elle l'exploitante, c'est elle la chef. Je suis que sous-chef. Et nous venons de la Suisse alémanique. Mais ça fait déjà presque 30 ans qu'on est ici en secondaire et principal. Mais l'exploitant s'est fait seulement environ 3-4 ans passés. Donc c'est ma fille qui est l'exploitante. Ah, Lucie, de la parole. Moi, je suis Dania. Comme on a dit, je suis la fille. Et depuis 2017, on a commencé la ferme. On exploite la ferme safran, rose, fleurs comestibles, arbres aromatiques. Oui, on va en reparler. Et puis, l'idée, vous êtes venue comment ? Vous étiez déjà, par exemple, en Suisse, exploité ce créneau de... Oh oui, l'idée vient sur... Oui, toujours on était dans la culture, j'ai toujours travaillé sur des fermes, j'ai toujours eu des grands jardins, donc des plantations naturelles m'ont toujours intéressée, la nature toujours. Je suis secrétaire trilingue, mais aussi naturopathe et nutritionniste, donc toujours avec la nature. Et une fois qu'elles ont fini leur éducation, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'elle cherche un travail ailleurs ou on exploite cela, ce qu'on a déjà dans les mains. Donc on s'est décidé de continuer avec un travail et exploiter cela, ce qu'on avait déjà. Quand on dit Suisse alémanique, c'est assez vaste, hein, puisque côté plaine, côté montagne, parce qu'en Suisse, c'est surtout des montagnes. Oui, c'est surtout les montagnes, mais nous, on vient de la région de l'Argovie, donc une demi-heure de Zurich environ. Oui, d'accord, cela, c'est la cour la plaine. Ouais, c'est ça. Hein, c'est la partie plate de la Suisse. Enfin, on a les montagnes à l'horizon, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors, depuis le début, donc, toujours cultiver des plantes. Toujours. Toujours eu des la vocation, on va dire. Oui, toujours eu des grands jardins. Même quand mes filles étaient petites, on a pris notre petit livre pour connaître les plantes, plantes pour guérir, plantes pour manger, tout. C'était toujours dans notre vie. Tout le temps. Et vous avez communiqué la passion à la fille qui a décidé. Alors, quelle formation vous faites ? À part la formation, bien sûr, sur le tas par la maman. Moi, j'avais commencé avec une formation de nutritionniste. Après, j'ai continué avec architecte. En Suisse, là ? Non, c'était par correspondance. D'accord. C'était tout par correspondance du Québec et des États-Unis. Donc, j'ai continué avec une formation d'architecte intérieur. Et ensuite, herbaliste, phytothérapeute. C'est la même formation. Phytothérapie. Oui, c'est ça. Guérir avec les plantes. C'est pas reconnu en France, mais moi, non. Je voulais le savoir-faire. Donc, et vous savez que c'est depuis le diplôme de phytothérapeute, enfin d'arboriste, n'est plus reconnu en France depuis le gouvernement de Pétain, c'est-à-dire depuis la dernière guerre. Hein. Oui, avant, malheureusement. Ça existait. Ouais. Ouais, ouais. Hein, et d'ailleurs, il y a quand même quelques herboristes, quelques phytothérapeutes qui essayent quand même de dire qu'il faudrait remettre au jour ce diplôme. Ouais. Par contre, en France, il n'y a pas de revendication pour prescrire. Non. Il hein, n'y a pas les herboristes, les phytothérapeutes ne revendiquent pas donc De pouvoir prescrire. Non, pas du tout. Hein. Ils n'ont pas de droits. En Suisse, ça se passe comment ? En Suisse, ils ont plus de droits. Comme en Allemagne aussi, les naturopathes, les phytothérapeutes, ils ont beaucoup plus de droits. Ils sont souvent acceptés par les caisses maladies. Donc, d'accord. C'est une grande différence. Entre ils prescrivent ? Oui. Oui, ils ont le droit de prescrire. Ils ont le droit. Là, il y a un diplôme sur quoi ? Il y a des études, il y a une filière d'études ? Oui, ils ont des études qui sont affiliées avec des indications du gouvernement, mais ce sont des différentes études, ce n'est pas prescrit une certaine. Donc, on a plusieurs méthodes, plusieurs écoles qu'on peut faire. Et il faut être agréé. C'est des écoles privées ? Ce sont des écoles privées, surtout privées. Et il faut être agréé par le gouvernement. D'accord. Mm. Quand même, enfin, le ministre de Santé ou des... Après l'éducation, ou des cantons, oui. Qui... Oui, c'est les cantons, non, c'est le gouvernement qui... en Suisse, comme je le sais. C'est le gouvernement oui, fédéral oui, qui décide oui. Hein, sur la politique. En Allemagne, de santé. Je crois aussi. Ouais. D'accord. Ouais. Ça situe un petit peu mieux, quoi, parce que c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, la phytothérapie, je vous l'appelais comme ça, commence à retrouver un certain succès. Une ampleur, hein, oui. Il y a de plus en plus d'herboristes qui ont développé une activité, oh, oui. Hein, surtout ici en montagne. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, l'ami, j'allais dire presque le partenaire, Laurent Altel, mm-hmm. de Sapois. Oui, oui, oui, on a entendu, ouais. Hein, c'est lui qui organisait d'ailleurs la fête des simples. Ah oui. Il y a quand même des initiatives très intéressantes sur le massif vosgien, maître. Oui, je pense. Dans la vôtre. Exactement. C'est pourquoi on s'est lancé dans la permaculture, où on plante également des plantes médicinales. Donc c'était une idée de continuer d'une manière qu'on peut soutenir cette idée. Alors la permaculture, qu'est-ce que c'est ? Parce que je crois qu'on en entend beaucoup parler, mais cette technique de culture, on la connaît mal finalement. Moi, je sais bien que je dois confesser, autant que j'ai eu l'occasion d'inviter des personnes qui pratiquaient une certaine activité agricole, autant qu'on a peu parlé de la permaculture. Alors, qu'est-ce qui nous parle de la permaculture ? Là, ma mère, elle est plus spécialisée pour expliquer, mais le début, c'était en Australie où ils ont retrouvé cette méthode... ancestrale. Oui, moi, je pense que oui. C'était connu de nos ancêtres, c'était perdu par la monoculture, c'était transformé. Et eux, ils ont retrouvé de faire comme ça. Et donc, c'était en 72, si je me souviens bien, que deux Australiens, ils ont commencé à réinventer ce principe. Je pense qu'elle pourrait mieux expliquer encore. Non, c'est tout à fait vrai. C'était en... 70. Pourquoi l'Australie ? Peut-être parce que on ne sait pas pourquoi. C'est une culture qui n'est pas trop consommatrice d'eau ? Non, je pense que l'idée était parvenue parce que les deux Australiens, Bill Morrison, on lui appelle aussi le père de la permaculture, et son élève, David Holmgreen, ils ont vu que par la monoculture, la terre est détruite. Donc, ils ont fait des recherches, des observations et sont retrouvés ou, disons, créés ce terme permaculture en autres paroles, culture, agriculture permanente. Donc, il y a un principe avec beaucoup de méthodes. Et la méthode ou le principe n'est pas une méthode figée. Donc, c'est à chaque personne qui veut l'apprendre peut le faire. Il y a des principes de base. C'est un principe de base. Et ça vient de l'idée de la forêt. Quand on regarde la forêt, il y a toujours la terre qui est très, très moue. Tout pousse un petit peu. Mais il n'y a personne qui bêche. Il n'y a personne qui fait quelque chose dedans. Et cette idée, ils ont repris, les deux Australiens, pour créer des jardins en agriculture permanente ou permaculture. Donc, cette idée existe dans les jardins. On a plusieurs méthodes, comme on dit, on a lasagne, on a les buttes, on a les bacs, encore plus de méthodes, mais je ne peux pas tout expliquer aujourd'hui. Par contre, oui, c'est un peu vaste et on fait ces expériences. Mais avec cette méthode... C'est complètement différent de l'agriculture actuelle. C'est quand même différent, oui. Et on arrive à créer un écosystème et on travaille avec les animaux, avec la nature, en symbiose entre les plantes. C'est vraiment une méthode ou un principe de faire le jardin en petit jardin, en grand jardin, en hectare, si on veut. Sur la nature des cultures Oui, on peut faire en grande surface. Et on arrive vraiment à faire des légumes avec un taux de vitamines et minéraux qui est très élevé. Un goût qui est beaucoup meilleur. Et des insectes qui retournent dans les jardins, les oiseaux qui retournent. Et on utilise tout ce que la nature nous donne. Donc c'est une méthode qu'on a fait maintenant complètement changer depuis un peu plus que 6 ans. Et c'est vraiment une merveille. Un économisme de... Même sous nos climats, parce que le climat rural est quand même relativement rude. Oui, vous avez tout à fait raison, même dans notre climat. Hein, parce que les gelées tardives, tout ça, oui. On peut... Enfin, je suppose que vous avez des serres aussi. On a une grande serre pour faire nos tomates, le basilic, les choses qu'on craint de le chêle dehors. Mais on a des légumes, par exemple les choux, cette année, qui étaient... Partout, difficile de faire pousser, on a eu des choux sans problème. Donc la permaculture protège les plantes et ils descendent les racines parce qu'on fait des couches et ils peuvent descendre pour chercher l'eau en bas. Donc toute l'année, depuis les printemps, on n'a pas arrosé et on a récolté, on est encore en train de récolter. Oui, alors ça demande beaucoup moins d'eau, mais il faut quand même remuer la terre ou comment que ça se passe? Non. On laboure pas. Pas du tout. En fait, on fait des couches. Par exemple, nous, on applique la méthode de la lasagne simplifiée. Donc, on fait des couches et on bêche plus, on tourne plus la terre, on n'a plus besoin du motoculteur. Donc, ça nous facilite le travail en printemps parce qu'il faut plus retourner la terre. On ne dérange pas les couches parce que les microbes, ils se mettent en couches. Et si on... Les bactéries, les microbes, tout ça. Si on bêche, on les retourne. Ils doivent recommencer tout leur travail à nouveau. Là, on les laisse travailler tranquillement. Donc, c'est vraiment... pour nous, c'est la méthode qui marche pour nous parce qu'on n'a pas trop le temps de... Mais est-ce que le sol, dans la durée, est-ce que le sol devient par béton? Au contraire, une fois établi, vous avez une terre très moue tout le temps et ça reste comme ça. Donc au début, par exemple, si vous avez un gazon et vous voulez faire du jardin, on tend l'herbe et sur l'herbe, on met du carton ou une bâche anti-racine biodégradable. Et là, on commence avec les couches. Nous, on a 2 chevaux, donc on met le fumier de chevaux. Après, on met du compost qu'on cherche à Sicovat, qui est bio-agréé également. Après, on paille. Ça, c'est le principe ou la méthode le plus important. Même en plein champ, ça se fait comme ça? En plein champ. Jamais plus en bêche. Donc, une fois établi, en automne ou en printemps, on rajoute. C'est tout ce qu'on fait. On rajoute du fumier ou du compost. Et toujours, toujours, comme ça se passe dans la forêt, les feuilles tombent, les branches tombent, ça paille. Nous, on paille, par exemple, avec tant d'herbes, avec la paille, avec le foin, tout ce qu'on a de chez nous. Et ça reste comme ça. Et on rajoute, on nourrit. Et comme... D'accord, pour ajouter des couches. C'est ça, exactement. Couche après couche, et la fertilité provient de cette couche superficielle. C'est ça, c'est Mais ça. Les racines s'enfoncent très bas. Parce que la terre est tellement moue, tellement doux, les racines ont la possibilité de descendre toutes les couches et chercher l'eau qui est en bas. Et comme ça, on n'a pas besoin d'arroser. Donc depuis le printemps, comme je dis, normalement même pendant la canicule, on n'arrose pas du tout. Et ça pousse. Malgré tout, ça pousse. Oui, tous les mercredis après-midi à 15h, on fait la visite à la ferme et on explique cela, ce qu'on a expliqué un peu plus profond. Là, on va reparler justement. C'est comment ça. On peut prendre contact avec vous. C'est ça. Et comme ça, on peut montrer le chardin. D'accord. Alors là, dans la progression vers... vous avez acheté une ferme, des terrains, comment que ça s'est passé? Ou bien vous êtes locataire? Non, on est propriétaire d'une petite ferme. On n'a que 2,5 hectares, mais on arrive à... 2,5 hectares entièrement voués à la culture? Non, une partie est pour les chevaux. Comme ça, on peut faire du foin, une partie pour les chevaux, après une grande partie pour le safran, et une partie pour nos rosières et le chardin. D'accord. Donc ça nécessite quand même beaucoup de travail, hein, par rapport à la culture traditionnelle. Et puis vous n'employez pratiquement pas de machines, si je comprends bien. Tout à fait. Tout à fait. On n'applique pas des machines, sauf quand on amène notre fumier ou la terre, le compost de Sicovade. Mais autrement, c'est tout fait à main. Et comme je vous dis, quand vous avez tout paillé, on a la couche de paille toujours au-dessus, on n'a pas beaucoup d'herbes qui poussent. Donc, on a beaucoup moins de main-d'œuvre, beaucoup moins d'eau. Par contre, il faut planter, il faut être là, faut surveiller, il faut récolter. Mais le plus de travail que nous on passe, c'est dans la transformation de nos produits. Et c'est ma fille qui fait tout ça. Voilà, on va y venir. On va y venir. J'ai encore des questions par rapport à la permaculture, parce que c'est vrai que ça décoiffe quelque peu par rapport à ce qu'on connaît traditionnellement. Hein. Mm. Moi-même, je suis fils de cultivateur, de montagne. Mais est-ce que ça se prête, cette permaculture donc, se prête bien aux terrains acides? Comment on peut retrouver sableux, acide? N'importe quel terrain, vous pouvez le faire. Mais selon le terrain, ça prend peut-être un peu plus de temps jusqu'on arrive à une terre qui est plus doux, plus apte. Nous, on a une très belle terre, mais elle est très dure en été. Donc, avec les couches qu'on a faites, maintenant, on n'a plus de problème. J'utilise plus d'outils pour désherber. Je peux faire tout à main parce que c'est tellement doux, tellement mou. Si vous avez une terre très rocailleuse, ça prend un peu de temps pour monter les couches parce que ça se tasse, ça descend, ça se tasse. Et donc, si vous rajoutez en automne ou en printemps du fumier, de compost, ça prend un peu de temps d'arriver à des hauteurs. Mais tout terrain va bien avec la permaculture. D'accord. Même à proximité des sapins qui acidifient le sol, enfin l'épicéa essentiellement. Ça va très bien. En permaculture, par contre, on fait des zones. Donc si vous faites vos couches proches des sapins, vous ne plantez pas les légumes tout proches des sapins. Non, bien sûr. Vous plantez autre chose. On fait également, comme en forêt, vous avez les arbres, les grands arbres qui font un peu d'ombre pour les plus petits. Donc, on fait la même chose. Par exemple, vous parlez des sapins. Donc, les sapins donnent un peu d'ombre. On plante les plantes qui ont besoin un peu d'ombre proche des sapins. Donc, ça marche même proche des sapins, proche des arbres, proche des roches. Mais on s'adapte des plantes qu'on plante. Oui, d'accord. Il faut planter ce qui peut convenir par rapport à l'environnement. C'est ça. Et on fait un plan avant de commencer. Avec toute chose, quand vous commencez quelque chose, vous faites un plan. C'est la même chose en permaculture. On fait un plan pour le tout et après on démarre avec un petit bout. Chaque année, on agrandit. Ou si on a les sous, on fait tout ensemble, n'importe. Et 2 hectares. 2 hectares, 40 hectares, n'importe. Oui. Bon, on va s'accorder une pause musicale avant de poursuivre. Alors, au choix de nos invités, Tu nous as sélectionné quoi? Je n'ai pas fait un petit coucou à Christopher, hein, c'est vrai, depuis le début, c'est lui qui assure la technique aujourd'hui de l'émission. J'ai choisi Harlem Gospel Choir ou Chor, Amazing Grace. C'est une chorale de gospel. Donc voilà, on va écouter ça tout de suite. Voilà, les choix plaient. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. But now I see. Oh, amazing grace. Amazing grace. It was nothing but your amazing grace. Amazing grace. Yeah. Amazing grace. You had grace on little old me. Amazing grace. And I'm so thankful. Amazing grace. For your amazing grace. Amazing grace. Yeah, your amazing grace. Amazing grace. Thank you, Lord. Amazing grace. Amazing grace. Yeah. Amazing you grace. Look down on little old me. Amazing yeah. grace. Thank you, Jesus. Amazing for grace. Your amazing grace. Amazing grace. Amazing, amazing grace. Oh, your amazing grace. Amazing grace. Yes, God. Voilà, c'est repris, c'est repris. La discussion continue un petit peu en aparté, parce que Anita me montrait sur des photos donc la permaculture, comment qu'elle se pratique. Malheureusement, on peut pas mettre ça à portée de nos auditeurs. Et par contre, nos auditeurs peuvent visiter. Oui. Alors, comment ça se passe? Donc, j'ai quand même une opération porte ouverte là-haut. Hein, c'est baptisé comme ça, mais là, vous n'avez pas été trop gâté par le temps. On n'avait pas de problème. Ah bon? C'était très bien. On avait des visiteurs même quand il pleuvait. On prenait le parapluie. Non, c'est chaque mercredi après-midi, dès avril jusqu'à fin novembre, à 15h, on fait une visite. Ça dure environ une heure et j'explique cela, ce que je vous ai expliqué en plus profond. On explique... Bah oui, parce que là, on est sur place, on voit. Exactement. Ah, il y a là. Et une fois expliqué un peu en théorie, on va dans le jardin et je montre en pratique comment ça se fait, les méthodes que nous, on applique chez nous dans le jardin. Et on planifie également de faire des stages en permaculture après. Et... après la visite, qui coûte que 5 euros par personne, on fait une petite dégustation et après, on a l'occasion d'acheter les produits qu'on fait à base de nos produits, de nos plantes, de notre jardin. Donc, c'est ma fille qui fait tout ça, des geliers, des coulis, des confitures, notre safran, nos roses en confiture, on va en parler. Je crois c'est l'essentiel de notre mission. Oui. Le temps passe vite, hein, votre compagnie. Ce que je voulais demander également, parce que là, donc les gelées tardives ne sont pas trop un obstacle pour la culture, la permaculture en l'occurrence. En fait, pour nous, la permaculture, c'est ça qui nous permet de commencer en février, disons, les cultures. On commence à planter, disons, mi-février, on fait les semis avant. Sous abri et dehors aussi. Parce que le fumier, le compost qu'on met en couche, ça chauffe. Donc, ça chauffe les racines, ça chauffe en bas. Et ça nous permet quand même de planter plus tôt. On met des voiles de protection s'il y a des gelées annoncées. On fait peut-être une petite perte, mais quand même, ça nous permet de commencer plus tôt dans notre région qui est quand même assez froide. Ah oui. Vous êtes à quelle altitude sur le plateau de 530 mètres. 530 quand même. Oui, mais on est exposé. Vous êtes bien exposé. On est exposé, oui. Rio est un peu sur un plateau. Oui. Donc, on a des chutes de température, des montées de température. Alors, expliquez-moi où vous vous situez dans Rio, parce que Rio, c'est vaste. Hein, on a l'impression, à certains moments, d'être au milieu de nulle part, par rapport au centre de Rio, hein, qui était une commune autrefois, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Maintenant, on est avec Plombières-les-Bains. Oui. Donc, si on est au milieu de Plombières de Rio, vous avez le camping Fréteux. Ah ouais, le fameux non, camping. C'est pas Fréteux. Château d'eau, je pense. Château d'eau. Vous avez l'église. Oui. On a l'église à droite, camping à gauche, on suit la route, mais on prend tout droit l'ancienne route sur Evillers. Et oui, vous avez Clairefontaine qui passe à droite. Non, on continue tout droit. Vous êtes sur la ligne de séparation des eaux. Là. Oui, donc on continue l'ancienne route d'Evillers, route des Chalots. On est sur la route et on fait partie de route Échalot. Et tout de suite, après les deux, trois maisons, vous voyez à droite la ferme clôturée tout en bois. C'est facile de vous trouver ? Moi, je trouve, oui. D'habitude, parce que c'est vrai que dans Rio, ça m'est arrivé de me perdre un peu là-haut. Hein, je ne sais plus à quelle occasion, mais... À Chapelle-Goutte, là, c'est un peu à l'écart de Rio, hein, on est oui, déjà là. Ouais. Mais oui, il faut quand même connaître. Donc, celui qui veut vous découvrir, si je puis dire, il a intérêt à aller vers le centre de Rio. Oui, tout à Donc, fait. Il reprend. Oui, il passe Rio. Alors, les itinéraires pour monter là-haut, il y en a plusieurs. Oui, vous pouvez passer. Le plus direct depuis ici, depuis cette dernière année, oui, là, par exemple. C'est cela ce qu'on a parlé. Vous passez Plombières. Bien sûr, centre de Plombières. Vous montez vers Certigny. Vous tournez à gauche sur Rio. Et une fois entré Rio, vous passez l'église, vous passez le camping. Et vous prenez tout droit. Vous ne tournez la pas avec sur la route Échalot. Tout droit vers route Échalot, Evillers, et vous suivez cette route, vous ne tournez pas à droite vers Clairefontaine, vous suivez cette route, et après les deux, trois maisons, après la route tourne vers Clairefontaine, vous voyez tout de suite notre ferme à droite. Voilà, ça se situe bien, on promet ça, on pourra aller visiter, j'ai failli y aller pendant les portes ouvertes, puis finalement j'étais un peu découragé par la pluie d'une part, et puis d'autre part ben, j'avais pas mal d'occupations ce week-end-là. Enfin, on avait fait l'annonce à la radio locale donc de votre porte ouverte. Enfin, je ne sais pas si vous captez le RGM Radio Guémozo là-haut, c'est un peu difficile, je ne sais ouais, pas. On n'a pas trop de réseau. Sur l'autoradio, peut-être que ça passe, oui. Je ne sais pas sur... C'est un peu juste. Sur un poste, sur un transistor ordinaire, peut-être, ça passe. Peut-être, ouais. Hein, parce que là, on est vraiment au carrefour Puis c'est déjà presque le versant d'Haute-Saône. Oui, c'est ça. On est très, très proche. Et le réseau n'est pas trop bien, mais ça nous dérange pas tout à fait parce qu'on n'aime pas trop les ondes. Ah oui, oui, d'accord. Parce que là, enfin, vous recevez quand même Internet. Oui. Oui. On a Internet. Parce que là, malheureusement, aujourd'hui, on peut guère s'en priver, quoi. Mmh. Exactement. On peut se priver beaucoup de choses, mais Internet, c'est difficile si on veut se faire connaître, si on veut véritablement communiquer. Tout à fait. C'est difficile de. Difficile de faire autrement, sinon à se déplacer, à faire des déplacements continuels. Oui, ouais, ça c'est un problème, mais on se contente avec cela ce qu'on a. Voilà. On a beaucoup parlé de la permaculture, il fallait quand même bien parler du support. Hein. Bon, alors maintenant, les cultures en elles-mêmes, qu'est-ce qui nous les décrit? Comment ça se passe? On produit pas mal de safran. Alors, le safran, qu'est-ce que c'est, hein? Je sais qu'il y a quelques années en arrière, j'ai fait une émission sur le safran avec un producteur, justement, de plombière. Hein? Et vous me décrivez un petit peu le safran? C'est des crocus, en fait. C'est une variété de crocus. Des crocus d'automne. Hein, c'est si ça, exactement. Ouais, ouais. C'est l'épice la plus chère au monde à l'instant. Le prix tourne dans les environs du prix de l'or. Donc, on l'appelle aussi l'or rouge. Donc, c'est une épice qui est vraiment, comme vous dites, c'est un crocus d'automne. Donc, on est en plein récolte au moment. Ça a commencé. Mais pas fini. Non, pas encore. On est en retard cette année. Il faisait trop chaud, trop sec. Donc, il a poussé en retard. À quel moment la maturité du crocus va produire le safran? Et qu'est-ce que c'est le... C'est le pistil, c'est le pistil quand on récolte la fleur, on fait le mandage pour récupérer le pistil qui est composé de 3 stigmates, 3, 4, 5, mais très rarement, normalement c'est 3. Et après on ça le sèche. Ça n'a rien à voir avec les étamines? Pas du tout, non. Non. Les étamines, ils sont jaunes et poudrés un peu le pollen. Les pistils sont rouge profond, plus lent, plus fin que les étamines. Donc c'est vraiment rien à voir avec les autres crocus qu'on peut trouver, les colchiques. Les crocus de printemps, les colchiques d'automne. C'est ça, ouais. Il ne faut surtout pas les prendre, ceux-là, parce qu'ils sont toxiques. Ah, le colchique. Ouais. Un extrait, bon, un médicament contre les rhumatismes du colchique, que je connais bien. Enfin, c'est une autre histoire. Donc vous n'êtes... On était encore en pleine récolte du safran. C'est ça, oui. Ouais. Mais comment ça se passe, là? Vous fauchez les fleurs ou bien Karim, non? Non, c'est tout à main. C'est tout à la main dans la plantation. Oui, tous les matins, on sort pour récolter les fleurs. On récolte quand ils sont encore fermés, parce que dès qu'ils s'ouvrent, ça perd la qualité. Donc, on les récolte quand ils sont fermés, tôt le matin, normalement. Et après, on se met à table à l'intérieur et on fait les mandages, on sort les pistils. Et en qualité française, on enlève également la partie jaune qui rassemble les 3 stigmates. On enlève ça parce qu'il n'y a pas de coup, il n'y a pas de couleur, donc ça vaut que le poids. On enlève ça, après on sèche à basse température pour une courte période. Et il faut le stocker. On a des séchoirs. Des séchoirs. Ouais. C'est plus facile pour contrôler la température parce que ça brûle vite, donc il faut vraiment que c'est bien contrôlé. Non, on peut pas, par exemple, c'est difficile de faire ça au soleil. Oui, ouais. Ça prend trop de temps, ça perd trop leur saveur, tout ça. Il faut une température pratiquement constante. Oui, c'est ça. Donc après, il faut le stocker pendant au moins un mois pour que ça développe l'arôme. À plein force et après on peut l'utiliser. Alors quelles sont les propriétés du safran? C'est un épice, oui, mais encore. le safran, c'est en cuisine, c'est un exhausteur de goût, donc naturel. Oui. Donc on peut l'utiliser en exhausteur de goût, en colorant, pour le bien-être. Plutôt jaune. Plutôt jaune. Ouais. Au début, c'est rouge, orangé. Mais après, parce qu'on ne peut pas mettre autant, à partir de 10 grammes d'utilisation, c'est toxique, donc il vaut mieux pas mettre autant. Ah d'accord. Ouais. Donc, c'est un jaune, ça dépend de la quantité qu'on met, c'est un jaune clair ou foncé. Après, pour le bien-être, c'est un antidépresseur naturel. Ça aide à la digestion, pour dormir. Il y a toute une liste qu'on pourrait citer, que c'est vraiment une épice qui vaut de l'or quand, en cuisine et pour le bien-être. Mais alors, par rapport à la concurrence du Maroc, par exemple, hein, parce que le grand pays producteur... le safran vosgien, ça va quand même. C'est ma mère qui a fait beaucoup de recherches sur ça. Pour notre. Ça, safran, c'est forcément différent. Le sol n'est pas le même. On ne peut pas comparer avec le Maroc. Ça dépend. Pour notre fête de safran, j'ai fait beaucoup de recherches et enfin j'ai vu que 85% de tout le safran qui est vendu est falsifié. Ah bon ? 85%, surtout le safran en poudre. Ah oui, bah forcément. Donc on trouve le cartam dedans. C'est une plante qui ressemble un petit peu le safran, mais il y a rien à faire avec le safran. On trouve des fils de maïs dedans, on trouve le curcuma dedans, on trouve beaucoup de produits qui ne sont pas du tout du safran, mais c'est vendu... Culture voisine, quoi, certainement. C'est vendu en safran parce que ça donne de l'argent. Enfin, vous demandez pour la qualité. Je sais, en Maroc, on plante beaucoup, et je ne veux pas dire que c'est tout falsifié. La qualité doit être bonne, je ne sais pas, mais on nous a dit que la qualité des Vosges, du safran des Vosges, c'est un des meilleurs de la France. Je ne sais pas pourquoi. C'est une culture qui s'est développée en France. Je dois dire que la France était un des plus grands producteurs, mais beaucoup d'années passées, au Moyen-Âge. D'accord. Et ça s'est arrêté. La culture du safran date... La nuit des temps. Ah oui. Le plus ancien... Ça poussait spontanément, ce crocus d'automne ? Le crocus d'automne, non. C'est importé, je suppose, quand même. Non, l'origine, on n'est pas sûr. On se dispute encore. Les Crètes disent ça vient de nous. L'Asie dit non, ça vient de nous. Le plus ancien preuve vient, en effet, de l'Ancien Testament, qui a un verset en Cantique de Cantique, je pense c'est 4:14, qui dit Salomon, qui décrit le jardin avec le safran. Et ça date 3000 ans avant Jésus-Christ. Oui. Et donc, le récit... Sur des terrains Cantique des Cantiques, c'était déjà Israël. C'est ça. Ancien, très ancien. Oui, bien sûr. Et donc... C'était cultivé certainement avant l'arrivée des... Oui, mais on n'est pas encore sûr. Des juifs en... Peut-être, oui. Ils ont fait un DNA sur notre safran, le Crocus sativus. Et le plus proche qu'ils ont trouvé, c'est le Crocus cartoitianus. Et c'est un crocus blanc dont les stigmates sont beaucoup plus courts que dans notre crocus sativa, dans notre safran. Mais on pense que ça vient de là. Et le crocus sativa est pas fertile, donc c'est le bulbe qui reproduit. Et on pense, parce que c'est pas fertile, c'est stérile, il y avait une hybridation longtemps passé. Et c'est pourquoi on pense que c'est le Crocus cartoitianus. Donc qui viendrait du Moyen-Orient. C'est ça, selon le plus ancien récit. Le berceau de l'humanité, il est entre l'Égypte et la Mésopotamie. Très loin. Oui. Mais on en dispute, on n'est pas sûr. Voilà. Il faut découvrir le safran. Alors, le conditionnement, c'est un petit sachet, c'est... C'est qui vos clients? Comment que ça se passe? Nous, on met tout dans des bocaux en verre parce que ah ça, oui, c'est des bocaux en verre. Ça doit être fermé hermétiquement pour garder le saveur, la couleur, tout ça. Donc, chez nous, c'est des petits bocaux en verre. Tout petit. C'est très petit, ouais. Les plus petits qu'on a trouvés. Ça peut être aussi conditionné dans des fioles, dans d'autres conditionnements, mais chez nous, c'est les bocaux en verre. Et on a 0,1 g, donc c'est la quantité qu'il faut pour faire un plat pour 4 à 6 personnes. On a aussi 0,5 g et 1 g. Ça, quel prix on peut parler de prix. Si vous voulez, c'est oui. Le gramme, normalement, c'est en France, ça tourne entre 35 à 45 euros le gramme. Et nous, on a pris le prix de la région, c'est 35 euros le gramme. D'accord. Ça donc, suffit, un gramme, ça suffit. Ça suffit pour 60 à 80 personnes. Ah oui, c'est... Donc on compte 1 à 3 stigmates par personne. Ça dépend si c'est en sucré ou salé. En sucré, il faut un peu ça moins. Ça accompagne quel plat de préférence, le safran? C'est, le plus connu, c'est la paella. C'est la bouillabaisse, bah oui. C'est le risotto au safran. Mais on peut très bien aussi faire des gâteaux, des madeleines, des cakes, une crème au safran, une sauce au safran. Ça peut vraiment aller dans pratiquement tous les plats, à mon avis. Et quel goût? Ah, le goût, ça, c'est difficile à décrire. C'est vraiment, on peut pas comparer à autre chose, ça vraiment oui, c'est vraiment spécifique le safran. Ouais. C'est très recherché, bien sûr. Et votre production, ça fait combien de grammes, de centaines de grammes par an? Enfin, je suis sûr que c'est très variable, quoi, parce que d'une récolte à l'autre, c'est oui, notre c'est récolte est simple au double, voire reste en permaculture. Ça veut dire que ça reste en pré, où on a moins de maladies. Et la récolte baisse d'environ 20% quand on laisse en pré. Et ça dépend de année à année. L'année passée, on n'avait pas beaucoup, même pas 10 grammes. C'était une mauvaise année parce qu'il ne pleuvait pas. Et pendant l'été, ça ne fait rien s'il ne pleut pas. Mais avant la récolte, le safran demande un peu d'eau. Et il n'y a pas plu. Donc cette année, on est mieux. Il pleut. Parce que là, vous n'arrosez pas. Non, on n'arrose pas au moment. De ne pas arroser. Pas au moment. Peut-être l'année prochaine, on a la possibilité d'arroser. Et les safraniers en Alsace, ils arrosent. Autrement, on n'a pas de récolte. Mais l'Alsace, c'est encore davantage sec que les... C'est ça. On nous, est pas même sur nous sommes... Le versant ouest. Oui. Sud-ouest. Ouais, c'est ça. On est un petit producteur, donc au début, on a planté 60 000 bulbes, mais on n'a pas une énorme récolte. C'est des bulbes qui ressemblent au crocus de printemps. Exactement, oui. Et comme on a parlé du prix, il n'y a pas beaucoup qui osent acheter le vrai safran. Les grands restaurants, les particuliers, pas tellement. Ça arrive, oui. Mais cela, ce que les gens aiment bien chez nous, ce sont nos produits transformés avec le safran. On essaye de créer des produits, tous nos produits à base de nos plantes du jardin, des recettes d'origine de chez nous. Donc tout ce qu'on achète chez nous, c'est ma fille qui fait les recettes, qui les cherche d'accord. Elle-même. Et là, ben parlons des autres cultures, alors des légumes, des plantes médicinales, des plantes aromatiques et tout ça. Ma culture préférée, les roses. Les roses, bien sûr. Au moment, on a environ 150 rosiers et on est en train d'augmenter encore. On est en train de créer une troisième roseraie. On a déjà deux qu'on vient de terminer la deuxième cette année. Et ça, c'est une de mes cultures préférées. On a environ 75 différentes variétés. Et c'est tout en comestible, donc aucun traitement. Il faut des vraies roses, quoi. Des vraies roses, oui. Des roses odorantes, etc., la plupart. Oui, oui. Parce que ce qu'on trouve dans le commerce aujourd'hui, on sent que vraiment c'est très artificiel. Ah oui, ça, ils sont très, très traités. Ouais, donc, normalement, tous les roses sont comestibles, mais il faut vraiment savoir qu'ils ne sont pas traités. Donc, si vous avez un rosier dans votre jardin qui n'était jamais traité, pourquoi pas essayer de... Le pays des roses, paraît-il, c'est la Turquie, le nord de la Turquie. C'est la Turquie, et ici en France, c'est Provins. Si je me souviens bien, il y a encore une autre ville, mais Drouet-sur-Loire, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus. C'est, oui, les pays de la Loire. Oui, il y a encore une autre ville. Des magnifiques roseries dans ces pays de la Loire. Mais je pense ici, dans la région, on est une des seules qui produisent des roses comestibles. Mais c'est vraiment, pour nous, c'est un régal même de passer dans la roseraie en été quand c'est tout fleuri. Alors tu dis rose comestible. Rose comestible, oui. Vous en faites quoi alors? Des recettes, bien sûr. On produit un coulis de roses qui... Mais vous ne vendez pas des... à des fleuristes, par exemple. Non, pas du tout. Ah non, c'est pour l'instant, vraiment réservé à la consommation. Ouais, ouais, parce que ça demande beaucoup d'entretien et parce qu'on n'emploie aucun traitement naturel ni chimique. Bien sûr, c'est pas une rose qui se présente bien pour fleuriste. C'est pas des roses coupées qui ont des lentilles qui se gardent pendant des semaines dans la maison. C'est vraiment, on peut la couper, mais ça tient peut-être 2 ou 3 jours après c'est fané parce que c'est naturel. Donc chez nous, c'est vraiment uniquement comestible. Mais on peut les sécher. On peut les sécher, bien sûr. En fait, c'est pas le but. Pour nous, oui, on la sèche pour faire la tisane, pour faire des différentes recettes. Quelles sont les propriétés de la rose? La rose, c'est également un antidépresseur. Je sais, dans le Moyen-Âge, c'était utilisé contre la tuberculose. Donc, pour les poumons, c'est très avantageux. Et il y a aussi pour la digestion, pour le sommeil, il y a aussi... Un peu comme le safran, une longue... Donc, curcuma, par exemple. Non, c'est un peu différent. Oui, un peu différent, oui. Ouais, le curcuma, c'est plutôt... ça nettoie, tout ça. La rose, il y a d'autres propriétés. Mais pour nous, c'est très souvent le gustatif qui compte. Voilà, d'accord. Alors, sous forme de... Nous, quelle forme pour cuisiner ou... Enfin, c'est plutôt des tisanes, c'est plutôt des... Et c'est très, très varié. Ou ça rentre dans la cuisine? Ça rentre dans la cuisine, en sucré et salé également. Par exemple, notre coulis de rose, on peut l'employer du début jusqu'à la fin du repas. Donc, ça va très bien avec tout ce qui est fromage, fromage de chèvre d'ailleurs, ça va très bien, fromage de brebis. Mais aussi sur les desserts, dans des différentes préparations, on peut l'utiliser. En fraîche, on peut l'utiliser très bien aussi en décoration des plats, dans les salades, sur les desserts. En séché également, dans les gâteaux, les tartes aux fruits, on l'utilise souvent aussi. Donc c'est vraiment très très varié. Pour moi, j'aime bien la rose, donc j'utilise un peu partout. Un tes recettes. On n'approfondira pas, puisque là ça a un petit peu les secrets de fabrication aussi, les secrets de cuisine. On va peut-être s'accorder une dernière pause musicale, parce que là, le temps tourne. Hein. C'est passionnant, mais il faut quand même, pas aussi mettre à 1 heure. Church town, there's a gold dirt road to a whole lot of nothing. Got a deed to the land, but it ain't my ground. This is God's country. We pray for rain and thank him when it's falling, cause it brings a grain and a little bit of money. We put it back in a plate, I guess that's why they call it God's country. I saw the light in a sunrise, sitting back in a 40 on the muddy riverside, getting baptized in holy water and shine with the dogs running. Till the week. to be from God's country. Voilà, en aparté pendant cette pause musicale. Tu nous la présentes, cette pause musicale ? Oui, donc c'était une musique un peu plus country, c'était Blake Shelton, pardon, avec God's Country. Voilà, d'accord. Oui, donc on était en train de parler un peu de l'écoulement des produits. Hein, alors il y a plusieurs filières, hein, rapidement, parce que là... Le temps nous est mesuré, donc ça veut dire qu'il n'y a pas que, bien sûr, que le safran et les roses, il y a des tas de produits, des fraises, et, enfin tout ce qui vient de, des jardins de la ferme, hein, donc, oui, et qui va être transformé sur place. C'est ça, oui. On transforme les légumes, les fruits qu'on a sur la ferme, et ça crée environ une centaine de produits. Centaine de produits différents, là. Oui. Par exemple... Un travail énorme, en fait, oui. À certaines périodes de l'année. C'est... Oui, on a un labo professionnel dans notre maison. Donc, elle transforme, disons, avec le safran, un coulis de safran, un sirop de safran, un sel de safran, des assaisonnements de safran, un gelé safran fraise, quand il a les fraises. Avec la rose, c'est un coulis de rose qu'on vient aussi à vendre à restaurant La Serre à Paris. Mmh. Avec la rose également, fraise rose, une confiture et le sel rose. C'est quelque chose qui est vraiment très très bon avec les poissons. Et recherché par des grands cuisiniers. Oui, également. Et donc avec les autres, on fait des châtenets, des confits. Avec le safran ou avec la rose, avec nos légumes, avec nos fruits, avec nos herbes aromatiques. Donc, elle recherche également des recettes du Moyen-Âge, des sels, des assaisonnements, une préparation avec le safran. On a beaucoup de produits qu'elle a fait les recettes elle-même. Et pour ceux qui viennent visiter, qui sont du secteur... Je suppose que la saison touristique aussi, c'est favorable à la visite de votre exploitation. Je ne vais pas dire safranière, ce n'est pas limité à ça. Ils peuvent acheter, ils peuvent ramener des confitures, des produits directement de la ferme. Tout à fait. Tous nos produits sont en vente les mercredis après-midi, après la visite. Ou sur rendez-vous, si on est disponible, on fait beaucoup de marchés, donc on n'est pas tous les jours à la maison. Comment coûte le monde associatif ? Il suffit de prendre contact avec vous, hein, pour, par exemple, si un groupe. Oui, tout à fait. Un groupe, alors c'est limité à peu près à 20 personnes, je suppose. Oui, on avait déjà... Parce qu'après, c'est sûrement... C'est un peu serré après le jardin. Mais on a déjà eu des groupes de 40 personnes qu'on a divisés en deux. Partie a fait les achats, l'autre partie a fait les visites dans le jardin. Ah oui, d'accord. Et après, on a inversé. D'accord. Et il faut aussi noter qu'avec nos produits de jardin, on fait la table paysanne. On peut nous contacter au moins une journée avant et oui, réserver. Si vous préparez. Oui, on cuisine à partir de deux personnes. Et on essaye de faire c'est-à-dire tout. C'est-à-dire qu'un couple peut très bien vous téléphoner et puis dire, tiens, demain... Si je peux demain, venir. Je viens dîner chez vous. Oh oui, il faut demander parce que, comme elle dit, on est souvent sur les marchés. On fait aussi des ateliers de cuisine végétalien. Ah oui, j'ai fait la connaissance. Ça y est, j'ai perdu ton prénom. Dania. De Dania, la connaissance de Dania sur le marché à Ouillot. Oui. La fête du miel. Voilà, c'était oui, là. C'est ça. C'était là que j'ai fait constamment. Autrement, c'est vrai que il faut trouver vos dépliants, vos brochures. Ou Internet. Sur, donnez-vous. Pendant le temps qu'il nous reste, donnez voir un petit peu vos coordonnées. On a un site internet, donc www.aupétalerouge.fr. C'est en pluriel, aupétalerouge. Et là, on trouve une partie de nos produits également qu'on peut commander sur internet et nos contacts, e-mail, téléphone, tout ça. Et puis, pour celui qui... Je peux se déplacer à Ruau, c'est pas loin. Mais non. Depuis Nouvelle, c'est pas loin. Depuis la Haute-Saône non plus. Mais enfin, ouais. On ne couvre pas la Haute-Saône ici, bien sûr, hein, par la radio locale. Donc, le principal, c'est d'aller visiter. Mercredi. Mercredi à 15h. Vous laissez une plage horaire où les gens peuvent venir et vous les guider. La visite est toujours à 15h. On commence à 15h, mais pour la vente des produits, il peut venir dès 13h jusqu'à 20h. D'accord. Ou sur rendez-vous. On trouve aussi nos prospectus à l'office de tourisme à Remiremont, Plombières-les-Bains, Bains-les-Bains, dans toute la région jusqu'à Épinal, Val d'Ajol. Et on peut surtout nous contacter par e-mail. On répond toujours. Ou par téléphone, on est souvent dans les champs, donc il faut laisser un message et on rappelle. D'accord, on arrive au terme de cette émission. On aura encore beaucoup de choses à dire, mais on se retrouvera bien un jour. Avec plaisir. Vous aurez une interview sur place, je ne sais pas, mais de toute façon, on vous donne rendez-vous. Merci. Merci à Anita, merci à Diana. Dania. Il faut que je m'y habitue. Pour avoir accepté notre invitation, un peu de leur emploi du temps, parce que là, vous allez rentrer, vous allez certainement avoir beaucoup de travail à faire. Oui, on est toujours dans la récolte du safran. C'est ça, exact. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Je remercie aussi à Christopher d'avoir assuré la technique. Quant à moi, je donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous. Mais là, on va en faire sur un sujet qui est grave aujourd'hui, le Kurdistan, enfin les Kurdes qui se sont massacrés, en particulier sur la partie syrienne du Kurdistan, qu'on pourrait dire, enfin, voilà, avec Hassan. Si Hassan arrive jusqu'ici, j'espère. Voilà, bonne fin de soirée à toutes et à tous, et je vous donne rendez-vous, bien sûr, mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous.